demain soir, c'est l'Inox Electronic Festival sur Fun Radio. Pour retrouver toutes les photos, n'hésitez pas à aller sur le site funradio.fr. Inox Electronic Festival en direct de Toulouse, en simultané sur Fun Radio avec Sébastien Ingrosso au platine. week-end à vous et bon courage si vous taffez. Moi c'est Miko, c'est Linox Electronic Festival. Nous le sommes même soir, c'est Linox Electronic Festival jusqu'à demain soir à la Dune de Toulouse. Je peux vous dire que la boîte est déjà blindée, donc pour tous ceux qui ne sont pas rentrés et pour tous ceux qui sont repartis en France, et ben voilà, solution de secours. On passe la soirée et le week-end avec vous. Linox Electronic Festival sur Fun Radio avec Sébastien Ingrosso au platine. Something that you quite won't be accustomed to. every one of you with your own individual camera, so that you could take pictures of these bad little kitties, good and bad little things, board models, quick. So whip up your $15 and prepare to enter Club Bird. Moulage. 2 heures de mix sur Fun Radio. C'est l'Inox Electronic Festival. De l'Inox Electronic Festival en simultané sur Fun Radio. Fun Radio. Radio. Fun Radio. En plein cœur de l'Inox Electronic Festival. C'est Sébastien Ingrosso au platine. Thank you.

Radio. En plein cœur de l'Inox Electronic Festival. C'est Sébastien Ingrosso au platine. week-end tout le monde, jusqu'à 6h du matin, c'est Party Fun sur Fun Radio avec tous vos sons préférés. Si vous voulez les choisir, ben, n'hésitez pas, 3228 et le mail mico@funradio.fr. Party Fun sur Fun Radio. Kiss is not enough, and if you Les plus grands DJ internationaux au platine. C'est l'Inox Electronic Festival en direct sur Fun Radio. Fun Radio. How y'all feel out there? Oh yeah. All right. Check this out. Trace, and he came here tonight to get on your case, and we are the crush grooving, the body moving, the record making, and the record breaking, and it goes a little something like this. Check this out. Baby, you could find a better friend than any other. If

Hypnotic robotic, rock your body. Hypnotic robotic, rock

new dawn, it's a new day. Birds flying high, you know how it feels. It's drifting on by. My name is Steve Angelo. This is Sebastian Ingrosso. The Swedish House Mafia is in the house. We love you all. Thank you for coming. We love Toulouse. We love Patous. We love France. Thank you all. Are you ready for John Dobbeck? Give it up. Jusqu'à 6h du mat, c'est l'Inox Electronic Festival. En simultané sur Fun Radio.